Est-ce que c'est chouette, ça? Vous voudrez chanter aussi? Oh, c'est chouette, ça, j'ai tué! Ouais, la chic musique sans souci! Non, attention, voilà! Essayez, à deux, trois! Boum, boum, bala, boum, boum! Ah, bah oui, vous faites toujours bam, boum, boum, boum, c'est facile, ouais! Je la chante, celle-là! Ouais! Ah, que c'est chouette, ça! Je m'en lancerai jamais, moi! Eh, vive la boulot, bah, bah, bah, ouais, ouais! Prenez-vous, faites que belle amie d'Abel, mais moi j'ai les paroles en plus! Ah, que c'est chouette, ça! C'est sans sas, comme un yacha, yacha! Ah, bah oui, vous faites ya, ya, ya, ya, boum, mais moi! Eh! Ah, oui, j'ai pigé! C'est sûr, attention! Attention, ça va faire mal! Mais susurré! Attention, de ma voix pure! Si boum, bam, bam, bam, boum, boum, boum! Individuel! Oh, que c'est chouette, ça! Maintenant, je chante comme toi! Si tu me crois pas, écoute, écoute, là, écoute, écoute! J'assure que t'en reviendras pas, attention! Bam, bam, boum, boum, boum, boum, boum! Individuel! Bam, boum, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! Eh, à moi, ouais, ouais! Eh, boum, boum, boum, boum, boum, boum! Ah, eh, eh, à moi! Mais toi, tu fais que boum, boum, boum, boum, boum! Mais moi, je chante des paroles! Attends, tu vas encore essayer. Ah ouais, mais c'est facile de faire. Bon, mais ouais, attention, attention, attention. Ah, ce c'est chouette, ça. Ah oui, je chante comme Louis Armstrong. Ah, ce c'est chouette. Boum, blam, boum, boum, boum, boum. Ah, boum, blam, blam, boum, boum. Ah, ouais, accrochez-vous à vos chaussettes, ça va faire mal, ça. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Ah ouais, mais, toi, tu fais boum, boum, boum, boum, boum. Mais ouais, t'as des paroles en plus. Très difficile, ça, j'ai fait. Attention, monsieur. Chantez là, boum boum boum boum boum boum. Ah. Et hop, ah oui, ben évidemment si vous faites hop. Hey, crapaud, tu sais ce qu'il te faut sur ce disque? Non. Il te faut un grand numéro comique. Ah bon? Parce que tu en connais un, toi? Eh, hey, j'ai mon numéro de jonglage burlesque. Je jongle avec un chapeau, une soupière et un raton laveur. Et alors? Eh ben regarde, tiens. Et hop, encore plus haut. Oh. Et encore plus haut. Et oh. Ça, là, aïe. Oui, alors je vais te dire, mais alors sur un disque, ça ne marche pas trop, ton numéro. Pourquoi? T'as pas entendu remuer mes oreilles? Bonjour à tout le monde, vous êtes bien sur Bulle de Rêve, sur Radio Libertaire, bien évidemment, sur la Fédération Anarchiste. Et c'est Bulle de Rêve un peu spécial aujourd'hui, où on va faire un... On s'est dit, allez, on va se faire un petit plaisir, on va faire une émission purement musicale. Donc, deux membres en plus de moi, donc Alexis, nos deux membres de l'équipe, Antoine Bieber, bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Et Nicolas Tisse, bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Et... un invité récurrent, donc il ne fait pas partie de l'équipe, mais c'est vrai qu'il est là très régulièrement, Francis Gavel. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Donc on s'est amusé, c'est pour ça qu'on a commencé la part « Est-ce que c'est chouette ça ?» le premier vinyle, c'est un vinyle que j'avais quand j'étais plus jeune. Je vais vous expliquer pourquoi aussi, je suis parti là-dessus tout à l'heure quand je vous présenterai mon premier, des Muppets Show, du Muppets Show. Et en fait, c'est le Muppets Show qui chante en français, mais qui reprend aussi des tubes américains. Quand je dis des tubes, c'est des tubes de jazz, de blues, etc. Et qui évidemment les détourne et joue. Est-ce que c'est chouette ça? Parce que j'ai trouvé que c'était chouette ce qu'on se proposait. C'est-à-dire que nous quatre, on s'est envoyé, chacun d'entre nous, envoyé un thème. Et chacun a dû trouver une musique qui correspondait à ce thème-là. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je voudrais déjà faire un petit coucou à Fabien, notre auditeur, qui m'a demandé ça serait bien de mettre du jazz dans la prochaine émission. Je suis désolé Fabien, il y aura... une espèce de jazz un peu étrange à un moment donné, mais je suis pas sûr que ça soit ça que tu voulais. On en mettra par la suite, mais voilà. Allez, je parle pas trop longtemps, c'est assez court, donc Ariel, tu vas devoir jongler. Est-ce que tu peux nous passer juste la petite chose qui fait 38 secondes pour le premier thème? J'ai tout de suite reconnu ce que c'était. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une époque. Donc, excusez-nous pour ce petit démarrage un petit peu. Mais donc, c'était pour le premier thème. Le premier thème, c'est Francis Gavel qui nous l'a donné. Et c'est évidemment ce sentiment de l'été. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé. Je sais que ça lui fait très plaisir avec Joe Dassin, l'été indien. Et on commence de suite avec Nicolas. C'est Nicolas qui se lance. Ça t'a fait penser à quoi, ce sentiment de l'été? Je pense pas à Joe Dassin. Non, pas. C'est vrai que c'est pas ce qui m'est arrivé le premier, en fait. Et en fait, au début, moi, j'avais hésité entre deux morceaux un peu plus, on va dire, folk américain. Lomelda et un morceau d'Adrian Lenker. Donc finalement, c'est Adrian Lenker. Je suis tombé amoureux de la voix, en fait. J'avoue, j'ai écouté. Ah. Donc voilà. Et donc, Adrian Lenker, je sais pas si vous ici la connaissez. Donc c'est une chanteuse assez plutôt jeune qui fait de la musique vraiment depuis 2014-2015 et qui a une double carrière, donc solo et avec un groupe. C'est la chanteuse et guitariste d'un groupe qui s'appelle Big Thief, et c'est une espèce de travailleuse infatigable puisque depuis 2014 elle a sorti 4 albums solo et 4 albums avec le groupe, ce qui est quand même déjà pas mal. Et en fait là, Dragon Eyes, c'est une chanson qui est dans son dernier ou avant-dernier album solo, puisqu'en fait elle a sorti 2 albums quasiment en même temps en 2020, un qui s'appelle Songs et un autre qui s'appelle Instrumentals, lui il vient de Songs, et c'est l'avant-dernière chanson justement de cet album. Et en fait c'est un album qui a été enregistré un peu dans des conditions minimalistes avec un ingénieur du son quelques semaines dans un chalet pour avoir une espèce de tonalité un petit peu boisée, enfermée, avec une guitare, c'est une chanteuse et sa guitare, c'est un morceau de folk assez classique avec des sujets parfois un peu sombres. Et des paroles toujours, par contre, poétiques, avec une voix justement qui rappelle parfois un petit peu, qui a un côté un petit peu voix d'enfant, avec des thèmes sur les adieux, la solitude ou des choses comme ça. Et donc Dragon Eyes, qui est donc l'avant-dernière chanson de l'album, c'est vraiment une chambre, des étoiles, une nuit d'été, et la fin des couplets qui à chaque fois change et varie un petit peu. Elle parle de lui, d'elle, des étoiles et d'une place quelque part. Voilà. Chewing a cigarette and repeating shadows of the words I said. I don't wanna blame you, I don't wanna blame. Stars bloom in the warm summer night, they have a clear view without the bedroom light. They don't wanna name you, they don't wanna name. Dragons have silent eyes, cracked eggshells, fireflies. I don't wanna tame you, I don't wanna tame. Burns my feet. You have cool hands. You are sweet. I don't wanna change you. I don't wanna change. Carnations into the vase. Unfold your clothes. I just wanna place with you, I just wanna place. As the coastline is shaped by the wind, as we make love in your own skin, you are changing me, you are changing. Thank you. at the bedroom light. I just wanna place with you. I just wanna place. Voilà la superbe voix d'Adrien Lenker. Merci pour cette découverte, parce que j'ai vraiment découvert en effet cette voix, et ça m'a vraiment plu. Francis essaie de lire mes notes. Non, pas du tout, je regardais le nom de la chanteuse. Donc Adrien, t'as raison, A-D-R-I-A-2-N-E, Adrien, et Lenker, L-E-N-K-E-R. Donc voilà, très très beau, en tout cas très bel album, et très très belle voix. Le second, le plus jeune de notre chose, a choisi pour ce sentiment de l'été, Antoine. Oui, j'ai sorti un vieil album pour une fois, parce que je le fais pas souvent, Alexis me l'avait fait remarquer. Alors, il y a des albums qu'on écoute tous les ans à des occasions particulières, et pour moi, l'été sur la route des vacances, c'est un album de Mike Oldfield, le compositeur de Tubular Bells, dont l'introduction, empruntée par William Friedkin pour The Exorcist, le mettra en lumière au tout début de sa carrière, en 1973. Mais c'est un album plus récent, de 99, que j'ai choisi de vous partager pour ce thème sentiment d'été, puisque c'est un album que j'écoute à chaque départ de vacances, en train et encore plus en voiture, car il est une parfaite bande-son pour un road trip. Portant bien son nom, c'est un album solo où Oldfield joue uniquement de ses guitares, y compris les sons qu'on pourrait associer à des percussions ou à des synthétiseurs, explorant les sonorités tantôt mélancoliques, tantôt énergiques, bien souvent lumineux. C'est un disque qui s'emporte sur la route des vacances, et pour vous en donner un petit aperçu, j'ai choisi le morceau Out of Mind, qui donne à voir différents registres de guitares utilisés dans l'album, d'abord folk, puis très très vite électrique. En espérant qu'il vous donnera envie de découvrir cet album étonnant, tant dans la discographie de son compositeur que dans toute l'exploration sonore qu'il propose. Oui, en plus, alors c'est pas ça, parce qu'on parle, alors qu'on connaît pas les morceaux, hein. Joey, on vous a pas dit, mais en fait, chacun découvrons les morceaux. Donc, en effet, un Michael Field un peu surprenant, en tout cas. Merci beaucoup, Antoine. Allez, le troisième morceau, c'est moi, puisqu'on va laisser Francis finir avec le sentiment de l'été. Alors, évidemment, vous me connaissez, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu, de suite, j'ai pensé à plein de chansons, et en fait, j'ai aussi tout un dossier avec, oh, j'aurais pu passer ça, ça, ça et ça. Donc, au début, évidemment, j'ai pensé à Here Comes the Sun, la version Nina Simone, donc, hein, la chanson des Beatles, l'été, le soleil, enfin, etc. Ensuite, Bobby Lapointe, c'est quelqu'un que j'écoutais beaucoup quand je partais en vacances, quand on était vivant et que j'allais là-bas et on se mettait Bobby Lapointe. C'était un peu voilà, l'album qu'on mettait d'abord en vinyle et puis après en CD. J'ai pensé à Kate Bush aussi, parce que Kate Bush, Hands of Love, avec voilà, il y a un côté comme ça, les prairies, les choses comme ça, etc. Et finalement, j'ai choisi Étienne Dao dans Corps et âme. Alors, il faut que je vous explique en fait comment j'ai choisi mes albums. C'est que la personne qui est juste après m'a envoyé un petit message, c'est moi qui ai préparé l'émission, et qu'à un moment, elle me disait je vais prendre que des nouveautés. Et donc, je me suis dit comment je vais faire moi. Et donc, j'ai pris que des CD. Moi, j'ai un petit appartement, et en fait, depuis des années, je revends mes CD au fur et à mesure. Et il y en a que j'ai gardé. Et je me suis dit tiens, je vais prendre dans ces CD qui ont été sauvegardés alors qu'il y a eu des ventes, etc. Et donc, je vais regarder qu'est-ce qui me marque encore aujourd'hui. Et cet album d'Étienne Dao qui s'appelle Corps et âme, qui est sorti en 2000, hein, donc qui a 21 ans maintenant, a été... enfin voilà, j'aimais beaucoup Dao, j'ai des vinyles de Dao avant, mais je crois que cet album-là m'a juste complètement bouleversé. J'aurais pu mettre, ce qui était le plus évident, Ouverture, qui est la première, puisqu'il parle comme d'habitude de Paris, de l'été, enfin voilà, etc. Et non, je me suis dit qu'en fait, j'ai décidé de vous passer le cinquième morceau. Et pourquoi aussi j'ai fait ça? C'est comme ça, j'ai amené mes CD comme Francis a amené ses CD. Comme ça, on va pouvoir avoir des battles, CD battles, mais avec des vieux et des nouveaux CD. Donc Étienne Dao, j'ai pris Nana Indienne parce qu'en fait... vous allez l'entendre. Je vais redonner le numéro de téléphone pour Étienne s'il nous écoute. 01 43 71 89 40. J'aimerais bien être sauvé par Étienne Dao. Donc Étienne, si tu nous entends, il n'y a aucun problème. Tu peux venir me... Dès que je me noie, tu peux venir me sauver sans aucun problème. On écoute Nage Indienne, Ariel. Se détend et plane dans l'eau glacée parmi les algues multicolorées. À nouveau, je viens te chercher à contre-courant des bancs de poissons, des bas-fonds du chemin des noyés. Premier secours à personne en danger. N'aie pas peur, je viens te chercher. En nage indienne, où on va se couler. À la surface, je vais te hisser. Oh, oh. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, nous pourrons remonter. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, nous pourrons remonter. La route de perles fines et de corail, hérissée d'embûches et d'écailles. Tu fais de moi le champion du plongeon, des sorcières, des mers, des dragons. À bout de force, je t'ai déposé, essoufflé sur le sable séché. Toutes tes cellules pétillent comme des bulles, peu à peu oxygéné. En nage indienne, où on va se couler, s'en sortir indemne et te hisser. Oh, oh, oh. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus je pourrais nous sauver, nous sauver, nous sauver. En nage indienne, où on va se couler. s'en sortir indemne de ICO. Serre-moi fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Serre-moi fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Cœur se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Serre-moi fort, nous sauver. Serre-moi fort, nous sauver. Oui, nous sauver. Je chantais presque en reprenant, donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, un Bulle de Rêve un peu particulier cette semaine, puisque nous avons décidé de faire une émission musicale avec des thématiques. Cette thématique, c'était ce sentiment de l'été, c'était très précis. Francis, c'est toi qui l'as proposé, donc c'est à toi maintenant pour l'explication et ton morceau. Ok, d'accord. Bon, l'explication, elle sera assez brève, hein, puisqu'on est en été, je me suis dit... On pourrait peut-être faire l'été comme thème, et puis après ce sentiment de l'été, bon bah parce que c'est référencé par rapport à un film qui pour moi est indispensable à ma cinématographie et même à ma vie. Donc c'est évidemment le film de Michael Hertz qui date de 2015, qui est un film sur la perte, sur le deuil, mais aussi sur le fait de réapprendre à vivre. Un film qui se déroule sur trois étés entre Berlin, Paris, je fais une petite parenthèse, et Annecy. Et New York. Voilà, donc pour moi, c'est un très beau film d'un peut-être des auteurs les plus mélancoliques du cinéma français. Donc ça, c'est pour le choix du thème. Et alors ensuite, bah, j'ai choisi un album, hein, qui est l'album de Clio, qui s'appelle L'amour est là. C'est donc si Clio sort son troisième album en cette année 2021, c'est en 2015 sur la scène des Trois Baudets que je la découvre pour la première fois. Elle n'est pas l'artiste principale de la soirée, elle se présente timide sur scène et son set est assez court. Mais d'emblée, on est frappé par l'intimité qu'elle crée, par la douceur de ses mélodies et quelques tentatives inattendues de complexité harmonique dans ses suites d'accords. Et puis, sortant son premier album en 2016, elle fait chavirer le cœur de celles et ceux qui aiment les contes Moreau, en chantant sa condition de cinéphile orpheline suite à la disparition d'Eric Rohmer. Alors là, en plus, là, je fais un petit aparté parce que finalement, on dit souvent que Michael Hertz, ça sonne comme du Eric Rohmer. Vous voyez, il y a une logique dans tout cela. La chanson s'intitule « Eric Rohmer est mort ». Et touché par cet hommage à ce cinéaste auquel il doit sa carrière, Fabrice Luchini accepte d'en enregistrer une version en duo. Et la chanson devient rapidement une incontournable référence dans les évocations rohmeriennes. Aujourd'hui donc, après un deuxième album toujours aussi pudique et malicieux, Clio revient et, abandonnant les orchestrations acoustiques qui ont constitué l'écrin délicat de ses chansons, s'aventure du côté des arrangements électroniques. Alors là, c'est le moment où je fais la critique. Un choix à la réussite peut-être en demi-teinte, mais qui s'accompagne d'une surprise de taille, avec l'invitation faite à un iguane, parfois qualifié de parrain du punk, de venir chanter en duo. Et c'est ainsi, avec Iggy Pop, vous l'aurez compris, chers auditeurs, que Clio partage un appartement au cœur d'une chanson tout simplement intitulée « L'appartement ». Un choix de fait d'évidence par rapport donc au thème « Ce sentiment de l'été » car c'est une langueur tout estivale qui semble s'exprimer ici avec ce curieux couple vocal si dissemblable et pourtant si harmonieux et reflet évident de cet été de ciel gris et d'averses intempestives que nous vivons, on trouve ces deux vers qui disent « Bien sûr, la fenêtre ouverte laisse passer un parfum. Peut-être, c'est la pluie d'été. Comme dans ce tableau, tu sais, écoute la pluie, écoute, toi tu chantes et elle t'applaudit. Comme ce tableau, tu sais, comme dans ce poème où il pleut et il chante. Comme dans ce tableau, tu sais, comme dans ce poème où il pleut et il chante. Des livres et des couleurs. Oh, mais une guitare et des fleurs. Bien sûr, la fenêtre ouverte laisse passer, un parfum peut-être. C'est la pluie d'été. Comme dans ce tableau, tu sais. Comme dans ce poème. Comme dans ce poème où il pleut, il sait. Tu dis qu'il pleut toujours. Toi, tu ne réponds rien. Qu'il pleut, mon amour. Qu'il pleut. Et voilà, superbe, donc Clio et Iggy Pop. Merci beaucoup Francis, donc pour ton thème, ce sentiment de l'été. Ariel, pour le prochain thème, on écoute le petit morceau d'une minute qui est juste après. No matter how hard I try, you keep pushing me. Gagner sa vie, il faut en perdre le meilleur. Tu m'oublies peut-être dans ce lointain pays où l'on fait le parfum des fleurs. Écris-moi, je t'en prie. On peut reprendre, pardon, on parlait, dont vous avez peut-être reconnu. On va laisser. Donc, la thématique que nous a proposé Nicolas, c'est reprise. Et donc, je me suis amusé, je vous avoue, à foncer dans les reprises. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'aurais pu vous passer. Alors, je vais vous le dire. Donc, on a écouté, mais c'est parce que je l'ai noté quelque part parce que c'était tellement incroyable. Vous avez entendu, oui, c'est ça, pardon. Vous avez entendu Joe Dassin qui reprenait No Woman, No Cry de Bob Marley. Si, je vous promets. Écoutez là, si tu penses à moi comme je pense à toi, au lieu de No Woman No Cry, il a absolument bousillé une chanson sublime en faisant une horreur totale. On aurait pu avoir Sylvie Vartan qui reprend Sweet Dreams en chanson qui s'appelle Déprime. Déprime par... elle a repris Eye of the Tiger aussi, d'en faire quelque chose. Et sinon, il y a Placide Bertrand, alors là, grand Placide Bertrand qui a fait Mon nez, donc Monet, une chanson où on entend Pinocchio chanter, donc Mon nez. Les grands amateurs de la radio Bidet Musique doivent en connaître beaucoup des comme ça, parce qu'il y en a eu des dizaines. Je vous ai évité Star Wars aussi, etc. Donc reprise, nous avons tous été très sages. Antoine, tu as été celui qui a été, alors non pas que tu n'aies pas été sage, mais tu as été vers autre chose que l'idée de cover et de reprise que nous avons tous les trois, nous, choisi. Toi, tu as été vers autre chose. Ouais, on t'écoute. Je veux bien qu'on écoute le morceau. On écoute, pardon, tout à fait, excuse-moi, on écoute donc le morceau. Je vais voir avec elle pour être sûr, parce que c'est vrai que... Donc alors, pendant ce temps, je dis que Alexis est parti à la régie, ne soyez pas surpris, nous allons... Music is back and the shows are back to back. Music is back like the clap on a backing track. Music is back, so grab your mask and a vax. Nah, scratch the past, this is the aftermath. Music is back like Johann Sebastian Bach. Like Burt Bacharach or Rat-Tat-Tat. Music is back and abstract like yak-yak-yak. When I rap, it's rap-rap and you have to react. Music is back with the heaviest gravitas. Mm-hmm. But so is the laughing gas. Music is back and I'm Jack with this battery pack strapped to my back and that ass just has to be slapped. Music is back. Music is back and I can't relax. Music is back. B-b-back, b-back, b-back, back. No caveats. Music is back. Music is back. Just imagine that. Music is back. B-b-back, b-back, b-back, back. No caveats. And I'm back in my habitat, doing my tightrope act like acrobats. Music is back, two shows for half of the cash. We just had to adapt to get back in the black. Music is back and it got two hands attached to this keyscape that's a Cadillac. Music is back, music is smack, music is crack. Music is that what you lack when you're trapped, that's a fact. Music is back, not the crap on your Apple Mac. Fuck a stream, fuck a screen, I get cataracts. Fuck that. Music is back, cut the crap, no panic attacks. Now I just laugh in the bath, now that we have it back. Music is back. Music is back, and I can't relax. Music is back, b-b-back, b-back, b-back, back. No caveats. Music is back. Cello. Music is back. Back. Music is back. Back. Voilà, music is back. Ça fait un bien fou de le dire. Vous l'aurez compris, je n'ai pas pris le thème au sens de reprise musicale, mais bien de reprise des concerts. Music is back et c'est the entertainist Chilly Gonzalez qui vous le dit. Alors ça y est, on va de nouveau pouvoir vibrer dans les salles, sentir ce frisson dont on ne sait pas très bien si son origine est dans les basses ou si c'est d'un coup toute l'électricité de notre corps qui a décidé de court-circuiter notre peau. L'occasion aussi pour moi, puisque nous sommes tout de même dans une émission de cinéma, de vous inviter, si vous aimez la musique de Chilly Gonzalez, à visionner le documentaire Shut Up and Play the Piano de Philippe Jedic, qui retrace la carrière de ce musicien au parcours étonnant, qui démarre après des études très classiques comme producteur de musique et rappeur à Berlin, et qui finalement va connaître le succès avec son album solo piano, dont chaque titre est un tube, ce qui est particulièrement remarquable pour un album instrumental. Ayant toujours à cœur le dialogue avec le public, sur scène il joue explique la construction musicale, mélange les principes harmoniques et structurels de la pop avec le classique. Bref, c'est un artiste touchant, mégalo, débordant d'énergie, et qui de mieux pour signer la réouverture des salles de spectacle. Merci beaucoup pour cette, en effet, cette belle, belle, en tout cas moi, voilà, moi je ne connais pas bien Che Gonzalez, et donc c'était très entraînant. On a failli commencer à danser, moi, en tout cas à la fin du morceau. La reprise, c'était le thème le plus compliqué pour moi, parce que comme je dis, j'ai regardé mes CD, donc j'ai regardé, j'aurais pu prendre l'homme pour qui, pour moi, est l'un des plus grands chanteurs de reprise, à savoir Bachung, Les Mots Bleus et tant d'autres hein, qu'il a repris, même avec le temps, c'est le seul à pouvoir reprendre Bruxelles de Dick Engarn. C'est quoi qu'une chanson était trop compliquée, on l'a donnée à Bachung sur les covers, les albums de covers, en disant lui va la faire parce qu'au moins ça sera mieux que nous. Une version étonnante de Simple Mind, de Sign of the Time, de Prince, Easy, de Face No More, qui la reprend de manière incroyable. Face No More qui revient en concert justement en juin. Prenez vos places. John Zorn avec le clan des Siciliens, mais John Zorn est connaisseur aussi, comme on est dans une émission en effet de cinéma, et notamment de cinéma et d'animation, j'ai voulu vous repasser deux morceaux que j'ai déjà dû passer de l'album Nightmare Revisited, Town Meeting Song et Jack Obsession, qui vient de Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Polyphonic Spree, et une version de Jack Obsession par Sparkle Horse, très déprimante, absolument parfaite. Le Boléro par Zappa, magnifique, on repassera à un moment donné, ou bien Caroline d'MC Solar, reprise par Marca en l'honneur de cette femme de ma vie qui ne le sera finalement jamais. Si tu nous écoutes, décidément, je vais redonner le numéro 01 43 71 89 40 après Etienne Dao. Caroline, je sais que je ne pourrais pas donner le numéro de téléphone parce que la personne dont j'ai choisi finalement ne pourra pas nous entendre, mais j'ai choisi en double hommage de prendre un album que je vous montre ici même en studio, ce qui n'est pas du tout radiophonique, mais voilà, alors ils ne comprennent pas forcément, sauf pour ceux qui comprennent le chinois. J'ai décidé de passer Wong Fei, à la fin, vous avez le film repasse en ce moment pour les Parisiens, au Champeau. À la fin, Tony Leung Chua, il revient de Chungking Express. Il a un papier abîmé, tout décoloré. Il demande à Wong Fei, qui arrive à ce moment-là et qui lui dit, mais tiens, tu m'as laissé ça un jour. Où est-ce que ça m'amène ce boarding pass, cet pour aller en avion quelque part? Et lui fait, il lui dit, mais où tu veux aller? Il fait, où tu m'emmèneras? Et là, ça s'arrête. Et là, le morceau reprend. Le morceau de Wong Fei, donc reprise, reprend. C'est absolument sublime. J'ai des frissons même d'en parler à chaque fois. Donc Wong Fei et Tony Leung Chua, donc je peux pas donner mon numéro de téléphone, mais je veux bien qu'ils me sauvent aussi parce que c'est un grand plaisir. J'irai avec les deux où absolument ils veulent. Et c'est aussi un hommage à Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, qui aurait eu 50 ans cette année, mais qui malheureusement est morte trop tôt. Donc on écoute Dreams des Cranberries par Wong Fei. On écoute. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Le rêve, toujours dans cette émission sur les thématiques. Donc la thématique est reprise. Francis, qu'est-ce que toi tu as choisi pour ce thème ? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a un album qui tombe à point nommé, puisqu'il date du 30 juillet, sa sortie en CD. Le vinyle, c'est pour la rentrée. C'est le nouvel album de Los Lobos, Native Sons. Et donc, avant d'évoquer l'album, qui est une véritable lettre d'amour musical à Los Angeles, j'ai envie de revenir sur deux faits d'armes de ce groupe américano-mexicain fondé en 1973 et qui puise ses influences autant du côté du rock, de la country, du rhythm and blues que des traditions musicales espagnoles et mexicaines, bolero, cumbia ou mariachi. Alors, premier fait d'armes, donc, le groupe se fait mondialement connaître. Alors, à titre d'exemple, en 1987, la chanson restera 11 semaines consécutives numéro 1 du top single français. Une première pour une chanson en espagnol. Là, vous ne voyez pas, mais on dirait Francis presque pour les plus vieux du top 50. Et on a l'impression qu'il fait quasiment le top 50 ou quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et donc, ils ont enregistré une reprise de La Bamba. Et oui. Pour la bande originale du film éponyme consacré à la vie météore du chanteur Richie Evans, disparu à l'âge de 17 ans dans un accident d'avion qui coûta la vie à une légende du rock'n'roll, Buddy Holly. C'était le 3 février 1959. Alors, désordre chronologique, deuxième fait d'armes moins réjouissant pour Los Lobos, mais j'aime bien les petites histoires du milieu musical. On est dans le mi-temps des années 1980. Le groupe participe à la demande de leur label Warner, qui souhaite initier une collaboration entre artistes maison à l'enregistrement du désormais mythique album de Paul Simon, Graceland. Alors, mauvais souvenir de fête pour Los Lobos, puisqu'apparemment, Paul Simon semble peu enclin à collaborer avec le groupe et se contente depuis la régie de les écouter jammer ensemble. Alors, jammer, c'est faire le bœuf. Hein. Voilà. Jusqu'au jour où une ébauche de titre du groupe accroche son oreille et qu'il décide de l'intégrer sous son unique signature texte et musique en clôture de son album, et ce sera la chanson All Around the World or The Myth of Fingerprints. On se doute donc que Paul Simon sera plus qu'absent de ce Native Son, 13e album de Los Lobos, quasi exclusivement composé de reprises de chansons d'artistes considérées comme partie intégrante de l'ADN musical du groupe. Les Beach Boys, Buffalo Springfield ou des groupes de rock garage comme The Midnighters. Mais pour ce thème reprise, donc, qui nous a été proposé par Nicolas, j'ai choisi sur l'album cette cover d'un morceau que j'adore, qui est Jamaica Say You Will de Jackson Browne, chanson interprétée par le songwriter californien sur son premier album, sorti en 1972. Fable autour d'une jeune femme vivant au bord de la mer et prête à partir au loin. Jamaica Say You Will est une chanson romantique, aussi austère qu'émouvante, mais à la relative aridité acoustique de la version de Jackson Browne, qui fait presque fi de la merveilleuse présence de David Crosby aux harmonies vocales et de Clarence Watt à la guitare, vient se succéder chez Los Lobos une manière plus soft rock, presque un baume musical pour le cœur, d'évoquer cette chronique d'un amour définitivement perdu. Et puisqu'on est dans la reprise par parlons met ta reprise avec une petite note en bas de page avant écoute. La chanson, en fait, de Jackson Browne, qu'il enregistre en 72, je le rappelle, a en fait été créée par les Byrds, qui l'ont enregistrée un an avant, en 1971. Et voilà, c'était le moment RFM, WRFM avec Georges Lang. Et Francis, tu nous as demandé, en fait, tu as demandé à un moment donné, est-ce qu'on peut passer? Donc on va passer exceptionnellement, parce que tu es largement merci beaucoup. Ah non, mais c'est avec grand plaisir pour nous, les deux morceaux, à savoir la reprise de Los Lobos et l'original. Enfin, le presque original, donc, puisque The Byrds était avant, de Jackson Browne. Ariane, on écoute. Jamaica was a lovely one, I played her well. As we lay in the tall grass where the shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica said, help me find a way to fill these empty hours. Say you will come again tomorrow. The daughter of a captain on the rolling seas, she would stare across the water from the trees. Home, he held her on his knees. Said the next time they would sail away, it's where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails. A comfort and a mercy through and through. Hiding from the world together, next thing I knew, we had brought the things down to the bay. What could I do to make us say you will help me find these empty hours. Say tomorrow. The daughter of a captain on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his knees. He said the next time they would sail away, just where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay until my ships can find the sea. Was a comfort and a mercy through and through. Hiding from this world together, next thing I knew, they had brought her things down to the bay. What could I do? Jamaica, say you will help me find. And we will sail until our waters have run dry. Bulle de rêve, une émission un peu particulière. Normalement, c'est le cinéma d'animation. Et là, c'est la musique, on en parle. Donc, tu nous avais proposé, Nicolas, reprise, qui aurait pu être pris comme, en effet, la reprise, la rentrée hein, scolaire, enfin, voilà, etc. Mais c'était là, on a tous plus en fait en cover. On t'écoute pour ton choix, ce sujet est ton choix. Alors, le choix sur le sujet, c'est tout simple. Quand j'ai lu ton mail, je venais juste d'écouter la chanson que je vais vous proposer. Je me suis dit, ah, où est-ce qu'elle pourrait coller? Et en fait, vous aviez choisi chacun déjà vos thèmes. Et je me suis dit, ça marche pas. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait marcher avec cette chanson? Ah ben, c'est une reprise. Donc, reprise, tout simplement. Bien joué. Et c'est donc une chanson de Okey Kaya. Okey Kaya, dont le vrai nom est Kaya Wilkins, et qui est une mannequin suédoise, mais aussi actrice à ses heures, puisqu'elle a joué dans le Thelma de Joachim Trier, pour ceux qui l'auraient vu, et qui chante depuis 5-6 ans avec des chansons souvent douces, une voix satinée et des thèmes qui sont souvent liés à de l'introspection. Elle a déjà sorti 3 albums et vraiment, c'est des thèmes que assez souvent, on va dire un peu tragiques, dramatiques. Elle parle pas mal de dépression, de sentiments, de la sexualité, du corps. Et là, en fait, elle reprend la chanson Believe de Cher, qu'elle va dépouiller complètement de son dynamisme original, de tout ce qu'il y a autour des paroles et ce qui est mis en avant dans la musique, pour lui offrir un côté jazzy et se concentrer vraiment sur la moelle de la chanson, le texte, l'intonation, le rythme un petit peu ralenti. Et en gros, ce qu'elle disait justement par rapport à la chanson de Cher et qu'on retrouve complètement ici, c'est « It's a perfect song, it's hopeful, it's sad, it's a break-up anthem and a fuck you ». Donc voilà. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. I'm so sad that you're leaving. It takes time to believe it. After all is said and done, you'll be the lonely one. Oh, oh. Do you believe in life after love? can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. But I know that I'll get through this. Cause I know that I am strong. No, I don't need you anymore. After love, I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Voilà, elle est peut-être un peu moins dansante que celle de Cher, mais quand même, elle est quand même plutôt intéressante. Alors, pardon, la parodie, hein, tout le monde, Los Lobos, vous connaissez Chilly Gonzalez, Clio, Iggy Pop, Etienne Dao, bon, plus connu, Mike Oldfield, Adrienne Lenker, et encore une découverte, donc avec Okai Kaya, donc pour cette reprise de Believe. Troisième thème déjà, ça fait une heure, ça dure 30 secondes, c'est court. Ariel, on écoute le thème qui nous était proposé par Antoine. Hop, on peut couper, voilà, c'était Johnny Hallyday, désolé pour le thème que nous a proposé Antoine. J'ai vraiment cherché, hein. Révolté, je me suis dit, t'as failli avoir Trust, t'as failli avoir d'autres choses, et puis je me suis dit, non, les autres ont Joe Dassin. La bande à Bono. Hein, voilà, alors, en effet, il y a cette fameuse bande à Bono de Joe Dassin que je ne connais pas, promis, pour la prochaine fois, je le mets. Alors, ça va être beaucoup plus rapide pour moi, pour vous dire ce que j'ai choisi, parce qu'en fait, pour moi, Révolté, de suite, c'était forcément français, c'est forcément les premiers qui m'ont bouleversé, ont été avant tout des chanteurs, des chanteuses françaises. J'aurais pu citer Brassens ou Barbara, voilà, j'aurais pu mettre certaines choses, mais voilà, de suite, le premier morceau qui m'est venu en tête, c'est Elle comme beauté, Jack Higelin, sur un album que j'adore et qui montre ben, la difficulté d'être différent, d'être comme un fric. C'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé, qui a toujours été important pour moi, d'être, encore une fois, d'être cette différence. Et puis non, et puis finalement, peut-être celle, parce que ces paroles sont trop fortes, j'ai choisi finalement Paris-Mai de Claude Nougaro, parce que Claude Nougaro aussi, donc présenté, la chanson est sortie en mai 68 directement, à savoir que dès le début, c'est la seule chanson qui sort au moment des événements, hein, Léo Ferré va en faire en 69, va en faire, mais lui vraiment sort, elle va être évidemment interdite, vous en doutez bien, sur les antennes nationales à l'époque. Elle est à la fois utopiste et découragée, pour moi je trouve qu'elle se pose des questions encore très importantes aujourd'hui, notamment que faire de l'ancienne génération par rapport à la nouvelle génération, qu'espérer évidemment ces mots

C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, aspiré tout au bout par un goulot d'azur. Là-bas brille la paix, la rencontre des pôles, et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinsons à soulever le jour, et nous autres grinçons qu'on le vit de l'amour. Mais, Paris, mais, Paris. Claude Nougaro, elle est incroyable, Paris, mais j'adore cette énergie qu'il y a dans cette chanson. Donc, pour ce thème révolté que nous a proposé Antoine, Francis, toi, tu as choisi quoi pour le thème révolté? Ça t'a fait penser à quoi? Je pense qu'on va être dans un niveau de révolte assez aussi haut, donc c'est bien. Alors, mais je vais commencer, évidemment, par présenter le label dont on va écouter un des disques. Donc deux mots sur une maison de disques qui vient de renaître de ses cendres en mai dernier, qui s'appelle Piwi. En effet, c'était un label qui était actif dans les années 1995-2000 sous le nom de Piwi Music, et qui s'était illustré principalement alors sur le front du jazz et des musiques du monde, et qui ensuite a décidé de baisser le rideau. Mais bon, ses fondateurs ont jugé que cela suffisait, et tel un phénix musical, Piwi est revenu avec une première livraison de 3 disques. Alors d'abord une réédition, je nomme les 3 disques parce qu'ils en valent tous les 3 la peine, avec 10 billets, un album de Francis Bébé qui était sorti en 1998 et qui est magnifique d'épure et d'introspection pour, je le rappelle, cette figure artistique camerounaise qui était capable de passer de la chanson satirique au bidouillage psychédélique. Ensuite, 2 nouveautés, on se rapproche de l'album, d'abord avec Le Grand Jour, ce qui va bien aussi, même si on va pas l'écouter, dans une évocation de révolte, qui est une suite d'explorations pianistiques solo de Sofia Domanchich, qui est une des figure de proue entre tradition et avant-garde des scènes jazz et musique improvisée européenne. Et puis, on va écouter un extrait de l'album Grand Barnum All Bloom du trio Zarboth. Alors, à l'origine, donc, le trio Zarboth est fondé en 2007 par Étienne Galochet, qui est batteur. Et puisqu'on est à Radio Libertaire, je précise au passage qu'il a été producteur 12 années durant de l'émission Des oreilles avec des trous dedans, sur cette même antenne, un mardi de 17h, tous les mardis, pardon, mais y arriver, de 17h à 18h. Et puis l'autre musicien du groupe, c'est Phil Reptile, qui est guitariste. Et Zarboth est ensuite rejoint, d'abord en tant qu'invité, puis en tant que membre à part entière, par Magdara Smith, trompettiste et chanteur parolier. Alors Zarboth, dont le nom me renvoie à l'immensité de mon inculture et à une filiation revendiquée avec le mouvement Dada et ses révoltes esthétiques, on continue dans la révolte, sonne d'après leur propre dire, sans œillère ni étiquette, comme un groupe, attention c'est parti, d'alterneuses rock expérimentales, de proto-metal garage, de jazz à la fiston, de free punk, de post-rock funambule, de free jazzcore et de pop halluciné. Mais ce que je crois surtout, c'est que ce 4e album du groupe est fait, en fait, pour se jeter par la fenêtre et se faire un devoir d'entraîner l'immeuble dans sa chute. On n'est plus là pour se gratter le nombril, mais pour cracher à la gueule du monde sa violence ignoble. D'où ce choix pour le thème révolté dans un album qui regorge dans ce domaine de potentiel tant musical que politique, du titre In the Name of. Brûlot évoquant la mort de George Floyd et les responsabilités humaines et démocratiques suite aux exactions policières dont il fit l'objet un certain lundi 25 mai 1900. 2020, excusez-moi, à Minneapolis. On écoute donc Zarboth, In the Name of. Merci. Mmh. murdering George Floyd. I'm shocked and dismayed that a country such as the United States allows police and adult men to become like this. First of all, Officer Chauvin, who refused to listen to the pleas of George Floyd, and then after he can no longer speak, he refused to listen to the call to reason by the other people trying to remind him of his humanity. This is not third-degree murder. It is first-degree murder. The footage is damning. It is important that Chauvin be given a trial to show that your country still has the rule of law. The other three officers are also guilty of the most basic human education. They literally let a man kill a man. That is breaking the law that they swore to protect. What did they learn as police officers? What did they learn as children? I'm sure that you get lots of these messages. I'm originally from Dublin in Ireland. I now live in Paris in France. I've been to the States before, and there are aspects of your country that I admire. I love so many things about your country. Please show that there can be justice for your countrymen, that the social contract can still be respected. This has to stop, and you have to teach other policemen and women that they do not have to accept this violent behavior from other officers. This has to be shown by example. Can't the eternal Michael Freeman must use his power to arrest and charge the other police officers responsible for the murder of George Floyd? Donc c'était le morceau le plus court, et là on va avoir sur le morceau le plus long. On a juste à la suite, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Nicolas, pour Révolter, toi tu as choisi... Alors, moi pour Révolter, j'ai choisi une chanson qui change un petit peu des deux précédentes que j'avais prises, et qui est quand même un petit peu dynamique. Et qui est plus dans le côté rock psychédélique, avec de longs riffs à la guitare électrique, et une des chansons qui s'allongent et qu'on aimerait prolonger encore un peu. Et quand on dit ça, on pense évidemment à... M'Dou Mokhtar. Alors M'Dou Mokhtar, qui est un artiste nigérian, Touareg, et qui fait donc avec son nouvel, dans sa nouvelle chanson Afrique Victime, une chanson contre le colonialisme, contre les exactions passées et futures, notamment de la France, mais pas que de la France. En quelques mots bien sentis, mais ici c'est pas vraiment, enfin on n'est pas du tout dans un registre de lamentation, mais c'est plutôt une chanson qui est vraiment en forme de cri de ralliement, et donc qui plonge dans des sujets vraiment politiques, comme aussi l'impérialisme, les droits des femmes, et en même temps il peut évoquer des choses un petit peu plus romantiques, enfin avec des inflexions un petit peu plus romantiques. Et justement, comme Francis nous dit parfois qu'ici il n'y a pas que des anglophones qui écoutent et qu'il faudrait des chansons qui changent un peu, j'ai pris donc cette chanson Afrique Victime qui n'est pas en anglais mais en tamashek. Le tamashek étant une langue touareg avec quand même quelques mots de français par-ci par-là. Donc voilà pour Afrique Victime de M'Dou Mokhtar. Et quand on est sur Radio Libertaire et qu'on a cette chance, il y a une radio édite, hein, comme on dit, il y a une version plus courte parce que les radios ont du mal à passer les longs morceaux qui fait 4 minutes. Nous on va passer la version complète qui fait plus de 7 minutes. On écoute Afrique Révolte, s'il te plaît. Non, Afrique Victime. Afrique Victime, pardon. C'est comme George Floyd. Afrique victime de tant de crimes, si nous nous tîmes, il nous dessine. Me fait la voix, me folie. Mani ma felewen Afrique victime, Bah merci, alors on va redire, hein, parce que c'est vrai que Claude Nougaro, là c'était facile. Zarboth, qui était juste avant, donc Z-A-R-B-O-T-H, In the Name of, avec l'album qui s'appelle Grand Barnum All Bloom, donc Zarboth, Z-A-R-B-O-T-H. Et Nicolas, c'était une très très belle découverte, tu vas nous redire, donc Mdou Mokhtar, Afrique Victime. Donc M-D-O, c'est pour ça que je l'ai mal prononcé, ouais. Donc Mdou, M-D-O-U, Mokhtar, M-O-C-T-A-R, Afrique Victime, donc Mdou Mokhtar, merci beaucoup. Révolté, c'était pas une surprise, donc c'est le thème d'Antoine. Antoine, tu peux nous parler du sujet si tu veux. Je vais parler rapidement. Je suis très content parce que c'était un peu l'objectif en proposant ce thème-là, c'était de vous inviter à nous proposer des titres qui, dans cette période où les actualités en particulier sont pas forcément enthousiasmante d'avoir des... Enfin, pour moi, la musique a cette force-là de nous faire nous mouvoir pour des causes justes. Et donc, dans cet esprit-là, j'ai choisi un morceau qui... Alors, parle de la police, parce que ces deux dernières années, on en a beaucoup parlé, et qui nous rappelle que face à cette force démesurée dont elle fait preuve dernièrement, la police, et que malheureusement la fusillade de Stein de cette semaine nous a encore rappelé, il nous reste des mots qui ont la force d'ouvrir notre imaginaire, de remettre en question cet état de surveillance, de violence policière dans lequel nous nous enfonçons au fil du temps. Et qu'il nous faut continuer à les opposer à cette violence d'État, d'être le miroir de sa violence, qu'il ne se couche jamais l'esprit tranquille, l'État, d'avoir tué Rémi Fraisse, Adama Traoré, Steve Maya Kanisso et tant d'autres, sans compter les multiples mutilations en manifestation et en répression de concerts aussi ces derniers mois. Leur violence, il ne faut jamais qu'elle ne devienne ordinaire. Il nous faut toujours en permanence rappeler à ceux qui en usent que ce n'est pas sans conséquence. Et donc la chanson que je vous propose d'écouter, elle se conclut avec une phrase qui, moi, me donne beaucoup de force par rapport à ce sujet, et donne aussi l'envie de créer contre cet État qui est de plus en plus violent. Donc la phrase en question, c'est « Ce ne sont que des mots qui forment mes couplets, des mots, des idéaux, jamais des pistolets. Des chansons, il en faut, et celle-là nous plaît. » Et si les mots ne sont certainement pas la seule forme d'opposition que nous pouvons mettre en œuvre, elle reste importante à protéger et à faire valoir, surtout en ce moment. Donc on écoute un morceau qui s'appelle Conte Coy des Ogres de Barbac, dans une version live beaucoup plus sombre que l'original, où les ogres sont accompagnés du bal Broto Lopez. On écoute Ariel. Le gendarme à cheval, sur de drôles d'idées, me lance un pourtant banal, vos papiers, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît. Or, si l'on considère que la France est aux Français, moi le français m'exaspère, mais la France me plaît, et la France me plaît. Et si j'aime sa terre, son fromage et ses prés, mille fois je la préfère, remplie de sans-papier, remplie de sans-papier. Situation cocasse, je n'avais que sur moi de vieilles paperasses, journaux de charme, etc. Le regard plein de haine, il me dit suivez-moi. Je lui dis pas la peine, mon chemin va tout droit, mon chemin va tout droit. Moi j'aime marcher seul, loin de tes colonies. Sur les routes je gueule, que vive l'anarchie, que vive l'anarchie. Que les vaches sont mortes, qu'on les a remplacées par les poulets qui portent l'odeur de leurs aînés, l'odeur de leurs aînés. Il me lance en colère, vous êtes bien comique. Je lui réponds sincère, vous êtes bien un flic. Vous aimez rigoler, me dit-il à nouveau. Il me prend les poignets, les menottes en mon dos. Les menottes en mon dos. Jamais je ne panique, et je lui dis, vois-tu, ce sera plus pratique pour me gratter le cul, pour me gratter le cul. Mais l'humour s'absente de sa tête de condé. Il s'énerve et me plante sa plaque sous le nez. Il me dit, c'est pour toi que la nation travaille. Je lui réponds, non, moi, j'élève rêve des volailles, j'ai rêvé des volailles. Je les encaisse un peu, et quand elles sont prêtes là, j'allume un grand feu. Et c'est parti pour la fête, et c'est parti pour la fête. Le dialogue s'enlise, alors pour commencer, ça matraque fise de réponses aiguisées. Car on le sait, le verbe, le complément d'objet, bien armé, exacerbe le neurone au poulet. Le neurone au poulet, neurone qui, disons-le, ne manque pas de place dans la tête des bleus, qu'il y a de l'espace. Tandis que les coups tombent sur ma peau sans défense, j'imagine ma tombe juste après la sentence. Mais comble du destin, ou hasard tout bête, ils s'en mêlent les mains et se tapent la tête. Toujours un peu plus fort, car ils ne comprennent pas que moi je suis alors déjà très loin de là. Le lendemain matin, on a pu lire en une d'un journal du coin cette histoire d'infortune, cette histoire d'infortune. Le mystère demeure, rempli de désespoir. Un flic à la bonne heure s'est tué hier soir, s'est tué hier soir. Ne pensez pas, mesdames, ne jugez pas, messieurs, que je ne suis qu'un infâme chansonnier insoucieux. Chansonnier insoucieux, ce ne sont que des mots qui forment mes couplets, des mots, des idéaux, jamais des pistolets. Des mots, des idéaux, jamais des pistolets. Des mots, des idéaux, jamais des pistolets. Des chansons, il en faut, et celle-là nous plaît. Merci Antoine. Donc les Ogs de Barbac qui sont bientôt en concert, non ? Qui sont bientôt en concert, mais c'est complet à l'Olympia. À l'Olympia, mais c'est complet, donc tant pis, on pourra pas aller. Pour le dernier thème, Ariel, on écoute ce petit intro, cette petite intro. Et ben voilà, on y arrive. Donc oui, pardon. Pardon mes camarades, parce que c'est vrai que j'ai pris, je leur ai donné Joe Dassin, Johnny Hallyday. Et ça va, c'est quand même beaucoup plus vivant et beaucoup plus. Donc c'est le dernier thème que j'ai. Non mais on peut ne pas aimer Nicolas, j'ai pas dit qu'on était forcément. En tout cas, voilà, ça fonctionne mieux. Et le dernier thème donc, que j'ai donné, qui est dans son maintenant, et bien dans son maintenant. Et d'un seul coup, je suis perdu, c'est Francis. Et oui. Commence, puisque tu avais commencé. Oui, qu'est-ce que ça t'a donné comme envie, ce thème, dans son maintenant? Et bien, dans son maintenant. Et bien, dans son maintenant, en fait, ça m'a donné envie d'un extrait du deuxième album de Catastrophe, Gong. Et au départ, je dois le reconnaître que j'étais un peu réticent vis-à-vis de Catastrophe, groupe, ou plutôt collectif, qui m'apparaissait comme une version, alors certes moins hippie bon teint et variété de bon goût, l'époque n'est plus la même, mais plus pop intello et pseudo naïveté écolo connectée du Big Bazar de Michel Fugain. Ces jeunes gens, beaux et cultivés, me semblaient en effet, alors là c'est sans doute une once de jalousie qui pointe, mais prendre une pause savamment étudiée et un rien marketé. Mais bon, comme le dandiesque Bertrand Burgala les signait sur son label Tricatel, alors là, attention, un hommage, rappelons-le, au personnage. Hein, sur l'aile ou la cuisse. Hein. Voilà, d'industriel du business agroalimentaire ennemi juré de Louis de Funès. Voilà, et je fais exprès, hein, j'ai choisi parce qu'on sait tous l'amour d'Alexis pour Louis de Funès, donc je ne pouvais pas ne pas le choisir. Donc, mais bon, voilà, donc Bertrand Burgala les signe et je décide de passer l'éponge bio, il va sans dire. Et leur prestation débordant d'énergie vocale, instrumentale, poétique et scénique, une appétence insoupçonnée pour les chorégraphies très diable au corps lors de leur passage à Rock en Seine en 2019, emporta finalement mon adhésion. Désormais, donc, après leur premier album La Nuit est encore jeune en 2018, je m'affichais plus attentif à la suite de leur discographie et m'intéressais donc à ce gong, deuxième album sorti en septembre 2020. Et c'est fort de cette nouvelle attention portée à Catastrophe que j'ai fait le choix pour le thème, et bien dans son maintenant, de cette chanson en deux parties dont nous écouterons la première, Danse tes morts, s'ouvrant sur un groove de dentelle, batterie Fender Rhodes, et s'achevant sur un court solo de sax qui déchire de Thomas de Pourquery. Cette chanson invite à danser quel que soit le décor environnant et peut-être aussi quelles que soient les circonstances, comme pour ce jeune garçon mort en dansant évoqué au début de la chanson. Allez, on se lève tous. Chez vous, ici, on danse, Ariel en écoute, Catastrophe. Hey. Ce matin, j'ai entendu à la radio une voix qui parlait tout doucement. Jeune garçon, il était mort en dansant. Dans la ville, les aiguilles tournent encore. Danse, danse, décor. Les vitrines s'illuminent quand tu dors. Danse encore et encore. Journée s'est poursuivie. Personne ne disait rien. J'étais un peu ailleurs, alors j'ai raté ma station. Quand je suis descendue, j'ai croisé le regard d'un homme qui sortait du sexodrome. Oh. Et alors que je passais devant une boutique de souvenirs, j'ai entendu cette musique. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance Toujours Bulle de Rêve, évidemment, sur Radio Libertaire, cette émission spéciale musique qu'on a décidé de faire. On est encore au mois d'août, on se fait un peu plaisir. Et donc, eh bien, dansons maintenant. Je crois que Nicolas, je me demande ce que tu peux proposer bien dansons maintenant. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors, je suis tombé sur le dernier album du groupe Touché Amoré. Et on peut évidemment faire que des chansons un peu romantiques, suaves, aux intonations franco-italiennes, qui se dansent donc langoureusement quand on s'appelle Touché Amoré. Donc, je me suis dit que c'était parfait pour ce thème. Sauf qu'en fait, c'est un groupe américain. Avec un côté surf rock dans certaines chansons, mais pas dans celle-là, qui est quand même beaucoup plus sombre parce qu'il y a même une chanson sur le cancer dans l'album. Et celle-là, c'est pas celle-là non plus, mais celle-là s'appelle quand même Lament. Donc, Lamentation. Et en plus, c'est un groupe de hardcore. Mais ça se danse quand même. On peut danser sur le hardcore. Ariel, on écoute. C'est super dansant. Merci beaucoup pour cette découverte. Antoine, qu'est-ce que tu nous as choisi comme danser ? Je vais faire très très court parce que c'est vraiment une question de sensation pour danser. Et j'ai choisi un morceau qui démarre lentement, qui nous emporte grâce à un rythme de batterie chaloupé, des synthés envoûtants et surtout un saxophone aussi entêtant. Qui fait monter la sauce jusqu'à la fin du morceau. Et on va écouter Super Zodiac, issu de l'album Trust in the Life Force of the Deep Mystery, du groupe de jazz londonien The Comet Is Coming. On écoute Ariel. Alors voilà, on est en train de se dire qu'on allait changer parce que l'anime, ils sont pas assez révoltés, ils sont pas assez dansants. Donc on allait faire des choses très musicales. Alors c'est moi qui ai proposé dansons maintenant parce que Francis le sait, quelques-uns vous le savez, j'adore danser, c'est une vraie passion, c'est quelque chose de qui est très fort. Et donc je me suis dit, mais ça va être quoi? Qu'est-ce que je peux pouvoir mettre? C'est trop fort. J'ai pensé à Massive Attack. Alors en effet, pas dans une danse évidente, mais dans Saint-Etienne. Only Love Can Break Your Heart, de la pop, de la vraie pop, ou Danser sur moi, Nougaro, allez, pourquoi pas. Face No More, pour revenir sur un côté un peu. Et puis, non, l'évidence, qu'est-ce que je ne pouvais passer qu'un seul personnage, celui qui m'a donné envie de danser, le premier, quelqu'un que j'adore, c'est bien sûr Prince. Voilà, c'était une évidence totale. D'un seul coup, je me suis dit, après, l'évidence était, je prends quoi comme morceau maintenant? Parce que les morceaux sont absolument, peuvent faire 10 minutes, 12 minutes. Il y a une reprise de Play That Funky Music Boy, qui fait 13 minutes. I'll Take You There. Well, My Guitar Gently Weeps, où il vole la vedette à Tom Petty, à tout le monde, en faisant un solo de guitare absolument incroyable, etc. Et puis je me suis dit, non, on va faire un hommage avec donc cet album Son of the Time qui vient de ressortir alors, il y a 2-3 ans, dans un coffret magnifique de 13 vinyles, 10 CD, enfin absolument incroyable. Et je me suis dit qu'en fait, pour sauver notre monde, il n'y a qu'une chose, c'est que faut que tout ce qu'on devienne absolument fou, il n'y a que ça et folle, il n'y a que ça qui est important. Donc let's go crazy, on écoute Prince dans une version de 6 minutes. Look at the bargains over here, ladies. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Tries to bring you down. Go crazy. Close your eyes. Yeah. You don't like the world living in. Take a look around. At least you got a friend. We'll be right back. go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. À l'antenne, Bulle de rêve, on retrouve la Tribuna Latina qu'on retrouve avec qui on envoie toutes nos pensées, qu'on retrouve juste après. J'aimerais remercier, on a deux minutes, j'aimerais juste remercier Antoine. Merci beaucoup. Vous voyez, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, Nicolas. J'ai pas trop de mémoire, mais voilà, Nicolas. Et Francis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariel. Évidemment, toujours derrière le micro. En plus, cette semaine, on t'a vraiment pas gâté avec tous ces morceaux de musique. Enfin, ça a été une émission. C'est pas grave, ça me fait un exercice. merci beaucoup à tout le monde. On aurait pu finir donc avec Olivier Chetam un peu pour Get Down Saturday Night, finir sur du funk un petit peu endiablé. Mais voilà, on va se retrouver. Juste pour vous dire qu'en septembre, puisqu'on va finir sur une reprise, on va finir sur Zappa qui reprend Purple Haze d'Hendrix de manière un peu bizarre et un peu étrange, comme vous allez voir. J'aimerais juste vous dire, comme on n'a pas encore de date qui arrive, que beaucoup de choses se passent début septembre à Paris, notamment au Carrefour au Forum des Images avec l'étrange festival où vous pourrez voir Junkhead, film en volume complètement fou d'un réalisateur japonais. Vous pourrez voir Mad Dog, je ne sais jamais Mad God, hein, de Phil Tippett aussi, qui est notamment le créateur des effets spéciaux de Star Wars, qui est connu pour ça, mais voilà, en volume, avec un long métrage. Vous trouverez le nouveau Patard et Aubier en ouverture, un hommage à Autour de Minuit, non pas pour leurs 50 ans comme ça avait été dit au début, mais pour leurs 20 ans, avec notamment pas mal d'inédits et de choses et de choses un petit peu. Donc voilà, et puis en septembre sort La Traversée de Florence Millay et Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, merci beaucoup. Voilà, donc plein d'animations et on se retrouve donc en septembre avec Marie-Pauline Mollaret qu'on embrasse et Pascal Le Duf qu'on espère retrouver. Ariel, donc on écoute Purple Haze de Hendrix repris par Zappa pour notre générique de fin. Merci beaucoup. In my brain, well, lately things, they just doesn't seem the same. Oh, I acting funny and I doesn't know why. Excuse me while I kiss this guy. Purple haze all around. Don't know if I'm going up or down. Am I happy or in misery? Whatever it is, this doll put a spell on me. Help me. Scratch me. Listen here. don't know if it's day or night. You got me going and you blew my mind. Tomorrow or just the end of time. However, you would not be wasting your time if you were dancing with her.